La maison d'édition Chitisak du Pérou a publié le 15 mars en brochure l'œuvre classique du président Kim Il-sung, la loi sur la santé publique de la République populaire démocratique de Corée.